illusion, mais parfois ça me fait chier. Voilà, ça y est, tu refais ton grand con. Mais je suis juste jaloux. Gentil bois.